Delph A1. Compréhension de l'oral. 1. A. Bonjour, je m'appelle Virginie Rosé. Alors, ça s'écrit R-O-Z-E accent aigu E. J'ai 18 ans et je suis étudiante. Je suis française. J'aime le théâtre et la musique. Bon, j'adore la musique.